Impeza Now, le scoutisme raconté à mon époque. 11e épisode, sortir de l'entre-soi scout. Le scoutisme apporte à des jeunes quelque chose qui nourrit leur vie, leur permet des rencontres nouvelles, peut-être leur permet de se révéler à eux-mêmes. Et donc on doit, quand on est engagé dans ce mouvement, n'être jamais satisfait du monde qu'on est, et toujours en volonté d'aller en chercher d'autres, et probablement particulièrement ceux qui ne pensent pas que le scoutisme est fait pour eux. On a toujours besoin que ça soit de parents ou d'adultes, que ça soit de jeunes adultes, de responsables. On a toujours besoin de bénévoles, de forces vives. Et en étant dans tous les milieux, je crois que c'est un lieu de rencontre, un creuset qui permet de croiser des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser, parce qu'on est souvent enfermé soit dans son quartier, soit dans son milieu, soit dans sa famille. Et donc on a à croître, et croître en étant équilibré entre les jeunes qui viennent nous chercher directement, ou leur famille, mais aussi en allant taper à la porte de jeunes qui ne pensent pas que le scoutisme est fait pour eux. Alors le handicap dans le scoutisme, c'est particulier. Je pense à une proposition pour des personnes handicapées, qui s'appelle Vendu Large, où le but voilà, est d'encadrer des personnes en situation de handicap mental et ou moteur. Il me semble que c'est plutôt mental. Mais ils vivent le même scoutisme que nous. Et dans notre société, toute la différence de l'autre, elle est un peu oubliée, elle est mise de côté. Et chez les scouts, on n'oublie personne. Nous, scouts entre guillemets lambda, nous ne savons pas comment un scout soi-disant dit handicapé, il vit le scoutisme, mais on sait qu'il est formé à la même école et qu'il a les mêmes valeurs, et on est tous un scout artisan de paix. On n'est pas scout pour le mouvement scout ou pour le scoutisme à part entière, on est scout parce que chacun des jeunes, et sûrement ceux qui en ont plus besoin que d'autres. Je pense à des personnes en situation de handicap, je pense à des jeunes migrants par exemple. Il y a pas mal de mobilisations aujourd'hui de groupes scouts pour permettre des activités avec des jeunes migrants, permettre à chacun de vivre mieux, et en vivant mieux, d'avoir confiance en eux, confiance dans les autres, et de porter des projets tous ensemble. Dans ce cas-là, il faut être beaucoup, beaucoup plus nombreux et pas satisfait du nombre qu'on est. Ça veut dire aussi faire des efforts pour réussir à ouvrir des groupes en banlieue, des groupes avec des jeunes qui n'ont jamais entendu parler, qui voient ça, enfin qui ont un certain lot de clichés sur le scoutisme alors qu'ils ne le connaissent pas du tout. C'est des jeunes chefs qui font leur possible pour organiser des rencontres, des activités au sein de quartiers populaires, et ensuite de stabiliser les activités, de les rendre plus régulières et de former des vrais groupes avec des enfants qui viennent régulièrement aux activités, etc. Du coup, il y a ce qu'on appelle le scoutisme en quartier, qui est l'idée justement d'ouvrir des groupes, de développer des activités scouts dans des zones où il n'y a souvent pas de groupe, et en fait souvent pas de ou peu d'opportunités pour les jeunes de vivre des moments collectifs au sein d'un mouvement, d'un organisme, etc. Il y a de plus en plus de groupes qui s'ouvrent dans ces zones-là, ou de groupes qui effectuent ce qu'on appelle des ASP, des activités scouts de proximité, qui sont du coup des chefs qui vont une après-midi dans une cité, dans un quartier, et hop, qui organisent des jeux, et qui du coup, au fur et à mesure, les enfants autour se ramènent. Et là, vraiment, c'est un contexte dans lequel la méthode scout peut se révéler, mais assez, assez incroyable et pleine de potentiel pour donner un cadre un cadre où ces jeunes peuvent s'engager et développer plein de choses chouettes, quoi. Et ça, je pense que ça peut être une richesse dans les quartiers d'y implanter le scoutisme. Et là aussi, en s'adaptant à son public, en étant avec lui et pas en étant en décalage, je trouve que c'est une super initiative d'aller chercher des jeunes. Parce qu'on peut faire du scoutisme en ville, on peut faire du scoutisme. Nous, à Paris, on a plein d'unités. Alors, c'est vrai qu'il y a des espaces verts à Paris, mais on n'est pas tout le temps dans la forêt quand on va à Paris. Et c'est pas grave, parce que en tant que scout, j'ai déjà pas mal à agir dans ma ville, dans ma rue. Donc on peut s'impliquer tout à fait scout de rue à fond, quoi. Alors voilà, le scoutisme, comme d'autres mouvements, vit aussi la réalité de la société. Il est question d'engagement, il est question de bénévolat, et puis il est question de laisser un peu de place à l'autre, un peu différent, pour qu'il trouve sa place parmi nous, et peut-être même d'aller le chercher. Alors, c'est plus pratique ou plus confortable pour un gros scout de réunir les enfants de parents qui se connaissent bien, qu'on fait eux-mêmes du scoutisme. Mais peut-être que notre scoutisme, même pour eux, est plus utile, efficace, heureux, s'il est ouvert à des jeunes qui le découvrent, alors même qu'ils sont de famille, de culture, de milieu, qui n'ont pas l'habitude du scoutisme. Cette dimension évangélique, missionnaire du scoutisme, si je prends ces deux mots-là, me paraît capitale pour donner sa clé de noblesse à l'engagement que nous portons. Le handicap, la barrière de la langue, l'exclusion sociale, ce sont des terrains et bien sûr d'abord des personnes que le scoutisme s'efforce de rejoindre de plus en plus. Merci d'avoir écouté le 11e épisode de Impeza Now, le scoutisme raconté à mon époque. Je suis Grégoire Dubois, j'ai produit et réalisé ce podcast, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et même sur YouTube, une série audio documentaire hébergée sur archive.org et distribuée par PodCloud. La musique a été composée par Timothée Mazurel et dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Gilles, Maë, Vincent, Lily, Samuel et Roxane. Vos réactions, vos questions, impezanao@gmail.com et sur les comptes Twitter et Facebook du documentaire.